CKRL 89.1, Québec. Cette semaine au Grain de sable, nous aurons une entrevue avec Alain Deneau à propos de l'ouvrage Paradis sous terre en première partie d'émission, puis ce sera la chronique de Renaud Blais en deuxième partie d'émission. Bonjour à tous, ici Michel Monette en l'absence de Valérie Plouin. Je vous souhaite la bienvenue à l'émission Le Crin de sable d'Attaque Québec. Le Crin de sable, je vous le répète, c'est de la musique engagée, c'est votre magazine socio-économique. On y parle de ce qui se passe ici, mais aussi d'ailleurs. Tout ceci réalisé par le collectif des membres de l'Association québécoise pour la taxation des transactions financières et pour l'action citoyenne, qu'on connaît bien sous le nom d'Attaque Québec. Alors, comme je vous le disais, aujourd'hui, nous vous présentons une entrevue réalisée avec Alain Deneau. Alain Deneau, que nous avons eu en entrevue un peu plus tôt cette semaine. Il va nous parler de l'ouvrage Paradis sous terre, dont il est le co-auteur avec Alain Deneau. Il est titulaire d'un doctorat de philosophie de l'Université de Paris 8 et enseigne la pensée critique au département de sciences politiques de l'Université de Montréal. Il est l'auteur, donc, de Noir Canada, de Offshore et de Faire l'économie de la haine. Donc, tout ceci, nous allons d'abord faire un bref intermède musical et ce sera l'entrevue avec Alain Deneau. C'était le groupe Grammatic dans la pièce Break Loose. Grammatic est un groupe d'Europe de l'Est. Je ne me rappelle malheureusement plus du pays. C'est un groupe qui fait comme ça beaucoup de mix. C'est fort intéressant ce qu'ils font. Ça vaut la peine de les suivre. Donc, comme je vous le disais, nous avons eu Alain Deneau en entrevue un peu plus tôt cette semaine et je vais vous présenter la première partie de cette entrevue. Deneau, bonjour. Vous venez de publier avec William Sacher un ouvrage intitulé « Paradis sous terre, comment le Canada est devenu la plaque tournante de l'industrie minière mondiale ». Richard Desjardins en a fait la préface qu'il conclut par la phrase suivante « On peut légitimement s'inquiéter du comportement de nos compagnies minières habituées à une telle impunité lorsqu'elles débarquent ailleurs dans le monde où les démocraties vacillent. » Desjardins faisait référence à la minière Osisko, mais dans votre ouvrage, d'entrée de jeu, vous évoquez les complaisances du régime dont profitent les minières au Canada. Parlez-nous de ces complaisances. Ben, il faut déjà situer le contexte de l'exploitation minière dans notre pays par rapport à son histoire. Notre pays, historiquement, n'est pas cette grande nation que Lester B. Pearson et Pierre-Éliott Trudeau ont bien voulu nous représenter. Notre pays est historiquement une colonie. Il l'a été et à bien des égards, il le reste. Notre pays a été une colonie dans la mesure où, d'entrée de jeu, la vocation du Canada est, au fond, d'une manière, dans une moindre mesure, la Nouvelle-France, mais au moment de l'industrialisation, disons, du 19e siècle, la vocation du Canada a été de soutenir des grands monopoles d'exploitation des richesses naturelles au pays au détriment des Amérindiens. Très souvent, les Canadiens se plaisent à se présenter eux-mêmes comme n'ayant pas de passé colonial. Bien évidemment que le Canada n'a pas de passé colonial. Le Canada est un passé colonial. Le Canada a été l'instrument de colonisation de l'Empire britannique au 19e siècle. Et il en est ressorti des institutions des programmes, des une culture, je dirais, une façon de voir les choses et le monde, qui a donné lieu à ce que William Sachet et moi-même, dans Paradis sur Terre, appelons un minéralo-état, un peu comme on parle de narco-état dans d'autres contextes, un minéralo-état, c'est-à-dire un état dédié tout à fait à l'industrie minière. Et donc, on avait apparaître dans l'histoire des codes miniers outrancièrement avantageux pour l'industrie extractive, qui permettait des congés fiscaux, plus tard un soutien financier au développement de technologies, une subvention à la création d'emplois, un soutien au financement à travers les bourses, des bourses complètement laissées à elles-mêmes par rapport à la spéculation, un droit au fond informel et officieux à polluer. Une reprise toujours publique des conséquences écosystémiques de l'exploitation du site orphelin dont on parle ces temps-ci, et enfin un droit toujours premier conféré à l'industrie au détriment des citoyens et encore plus des Amérindiens. Donc on a là un État qui s'est complètement constitué de façon à épauler l'industrie minière, et aujourd'hui l'État canadien soutient l'industrie pas seulement à l'intérieur de son territoire, mais à l'échelle internationale. Oui, tout à fait. D'ailleurs, ça c'est très bien, c'est très bien expliqué dans votre histoire. Là, il y a comme une longue introduction et vous campez bien ce que vous venez de raconter. Mais on lit aussi dans cette introduction, quand on lit ça, on a vraiment l'impression que l'exploitation dans plusieurs pays, parce qu'on a parlé du Canada, mais vous vous intéressez pas seulement au Canada. Les minières canadiennes sont quand même présentes à l'international. Dans plusieurs pays, on a l'impression que l'exploitation des mines est remplie d'histoires d'horreur. La source de ces histoires est assez Oui, en fait, je dirais que le propos de notre ouvrage, Paradis sur Terre, c'est vraiment porte vraiment sur le rôle de l'industrie extractive mondiale à l'étranger. Si on a parlé de la réalité nationale et intérieure au pays, c'est pour qu'on comprenne la genèse d'un modèle d'exploitation minière à la canadienne qui sévit partout dans le monde. Il y a deux choses importantes dans ce qu'on peut relever. Hein. D'une part, c'est que le dossier social, environnemental, éthique de l'industrie minière mondiale est fort entaché. C'est un dossier lourd. Quand on s'intéresse à la documentation internationale hein, sur le rôle des sociétés minières dans les pays du Sud, on tombe régulièrement sur des cas d'abus, voire de crimes, de type corruption, pillage des ressources institutionnalisées, partenariats commerciaux avec des dictateurs, collusion avec des seigneurs de guerre, trafic d'armes, mobilisation de mercenaires, évasion fiscale, tout ce que vous pouvez imaginer de pire. Et tout ça par rapport à une documentation qui peut aller de rapports d'organisations civiques et indépendantes comme Amnesty International, là, en passant par des productions qui sont celles de l'industrie minière elle-même, en tout cas des études qu'elle a commandées sont par exemple la présence de sociétés canadiennes dans des conflits générés par l'exploitation des ressources minières dans le monde. Dans un tiers des sociétés minières impliquées dans des conflits dans le monde sont canadiennes. Donc ça, c'est un premier point. C'est que cette industrie-là a un dossier terrible. Le deuxième point, c'est que 75% des sociétés minières mondiales sont canadiennes. Ah oui. Si on prend n'importe quelle société minière au monde, là, il y a 3 chances sur 4 qu'elles soient canadiennes. Donc ça veut dire que ces sociétés-là, c'est vraiment ce qu'il faut comprendre, ne proviennent pas nécessairement à l'origine d'issues. Ce sont des investisseurs australiens, suédois, israéliens, belges, américains, mauriciens, qui choisissent le Canada pour enregistrer leur société de façon à exploiter les ressources d'autres pays. On exploite en Roumanie, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, au Mali, en Tanzanie, au Chili, en Argentine, en Équateur, ainsi de suite. Donc, en fait, ce qui fait du Canada une sorte de paradis réglementaire, judiciaire, fiscal, l'industrie minière, c'est qu'en fait, on part d'ailleurs pour profiter du cadre colonial qui reste le nôtre ici pour exploiter les ressources des pays du Sud en vertu de ce cadre-là. Et là, on a vraiment le modèle d'un paradis à la manière des paradis fiscaux. Oui, tout à fait. Vous avez, peut-être un petit peu retour en arrière là, dans l'introduction, quand vous racontez l'histoire, toute cette exploitation des ressources naturelles, la spéculation, la corruption, la violence, les fraudes. Évidemment, c'est pas tout à fait ce qu'on raconte dans les livres qui servent à enseigner l'histoire. C'était important, on le comprend, c'était important de revenir sur le passé, on recule jusqu'à l'époque coloniale, ça on le voit, parce que je pense que ceux qui lisent l'ouvrage sont à mieux à même de comprendre la suite, là. Mais oui. Peut-être un aspect un peu plus technique, là. Bon, sans entrer dans des détails trop techniques, il reste que vous insistez beaucoup sur l'ambiguïté entre ressources et réserves et sur le rôle pas toujours très clair des experts et sur la faiblesse de la surveillance exercée par les autorités. C'est inquiétant pour les petits investisseurs, ça, parce qu'à peu près tout le monde a un bas de laine et investit dans des actions. Il est vrai que, d'une part, on a tendance à analyser notre histoire sur la base d'un mythe qui serait celui de la grande nation canadienne. Le livre national canadien, pour ça, est une grande farce. On devrait bien la réécrire, à savoir que le Canada a été finalement un lieu de pillage et de domination extrême de la part d'Européens qui voulaient faire main basse sur les ressources ici. Cela dit... vous parlez des réserves, des ressources, sont des termes techniques qui peuvent sembler très abstraits. Là où il faut situer ces questions-là, c'est dans un débat qui consiste à détailler les raisons qui font du Canada ce paradis réglementaire et judiciaire du domaine extractif mondial. Hein. Pourquoi trois sociétés minières sur quatre choisissent le Canada pour s'enregistrer plutôt que l'Allemagne, les États-Unis ou l'Australie? Quoi. Bon, ben, les raisons se déclinent au nombre de six. Puis ce que vous avez évoqué fait partie du bouquet de raisons là, qui attirent les sociétés ici. Je m'en explique. Ici au Canada, il est plus facile qu'ailleurs de spéculer, de faire valoir les ressources d'un gisement minier qu'ailleurs. Il est plus facile de jouer au bonimenteur, il est plus facile au fond d'appâter les investisseurs sur le marché en disant investissez sur mon titre minier en bourse parce qu'il est adossé sur une mine dont les ressources sont prodigieuses. Il est plus facile de faire valoir auprès des marchés la valeur d'un gisement parce qu'on peut faire valoir non seulement les réserves, mais les ressources. Les réserves, qu'est-ce que c'est? Les réserves, c'est ce qu'on est à même d'extraire vraiment en vertu d'un plan industriel cautionné par des agences indépendantes, des bureaux indépendants de géologues, par exemple. Les ressources, c'est tout ce que contient une mine, tout ce qu'elle contient en tout et pour tout. Et en fait, de toute façon, dire, bon, en plus des réserves, il y a des ressources, c'est-à-dire que si les cours évoluent, si on développe une nouvelle technologie, on pourra toujours aller extraire plus et ça met en valeur de l'image d'une mine. Aux États-Unis, c'est interdit, on parle que des réserves. Donc là, c'est un des points qui font du Canada un paradis judiciaire. S'il n'y avait que celui-là, ce serait pas suffisant. Oui. Mais le Canada est un paradis réglementaire, judiciaire et au fond fiscal, à sa manière du secteur extractif mondial, dans la mesure où, en plus de permettre la spéculation facile, il incite les investisseurs institutionnels à placer leurs actifs spécifiquement dans le domaine des mines. Ici, les grands investisseurs, les banques, les compagnies d'assurance, les fonds de retraite, ainsi de suite, sont amenés à investir. Les grands acteurs fortunés, hein, ces gens que Pauline Marois veut imposer et qui sont tellement tristes ces temps-ci, là, les grands acteurs fortunés peuvent investir dans le secteur minier et avoir des bénéfices fiscaux en se faisant, alors que ce ne sera pas le cas s'ils placent leur bille ailleurs. Donc le Canada, en fait, par ces mesures-là, crée pour l'industrie minière mondiale un bas de laine, une sorte de pipeline d'argent qui part de Toronto et qui alimente en fonds financiers tous les projets minés du monde, qu'ils soient controversés ou non. Alors là, on se trouve dans une situation où une société minière canadienne vient ici, elle peut spéculer aisément, faire valoir le caractère prodigieux de ses mines, de ses acquisitions, de ses concessions, obtenir des fonds parce que les capitaux circulent facilement dans le secteur minier ici, hein, c'est 220 milliards de dollars entre 2007 et 2011 en seulement à Toronto. De là, on arrose en argent, en flux financiers, les projets miniers dans le monde. La diplomatie canadienne est sur place pour épauler les sociétés minières contre les autorités locales au besoin pour exproprier les populations, pour aménager le territoire. Oh, petit problème technique. Alors, on va donc écouter une chanson de notre ami Richard Desjardins. Richard Desjardins, je vous le rappelais, qui a fait la préface de l'ouvrage d'Alain Deneau, et William Saché, le Paradis sous terre. Voyons, Richard Desjardins dans la chanson Développement durable. On l'écoute. Thank you. Je suis perdu dans les chemins de compagnie, peinard bas par de vue, bel job que je me suis dit. Fallait que je me sorte de là, j'ai appelé la CEPAC. J'avais du temps devant moi, c'est pas que j'ai vidé un lac. Qu'est-ce que je vois l'Indien, pas de bonne humeur, pantoute, avec les oreilles dans le crin, il me dit tu détruis tout. Quand même ça sera de ma faute, qu'est-ce que tu veux que ça me fasse, si c'est pour moi c'est un autre qui va le faire à ma place. Moi tout je n'ai des enfants, lui laisse des beaux restants, pis s'ils sont pas contents, lui reste l'agonistan. Oui, toujours vivant, dis-toi que c'est mieux que rien. Puis si t'es pas content, ton gomme d'où c'est que tu viens. J'pile, j'pile, j'pile, ben correct, ben correct. J'pile, j'pile, j'pile, j'sais plus quoi faire avec. J'en vois pas de problème, ski doux, si doux, quatre roues. J'suis dans le club des bains, même des fiumes pis bains de la broue. C'est pas dans mes talents d'expliquer l'existence. Ce cerveau à deux temps, ça pense pas, ça dépense. J'suis fier d'être ignorant, pis ça c'est un droit acquis. Pas besoin d'être savant quand t'as une carte de crédit. En fait, moi j'ai deux bacs, un bac vert, un bac bleu. Un pour les faces à claque, dans l'autre ma déquête. Pis laisse-moi pas tout seul avec un écolo. Une coupe de claque, sa gueule, pis ça va faire l'écho. Il t'offra pas une ronde avec ses beaux discours. Il voudra sauver le monde, il va sauver tout court. J'pi, j'pi, j'pi, ben correct, ben correct. J'pile, j'pile, j'pile, j'sais plus quoi faire avec. Le développement durable, c'est pour ma grosse bedaine. Et j'suis même plus capable de me voir le bout de la graine. J'suis dans le port des papiers, ben assis sur mon cul. Pis y'en a rien à chier, la prof de la FQQ. Voilà, c'était Richard Desjardins dans la chanson Développement durable. Donc, nous étions en train d'écouter une entrevue avec Alain Deneau sur l'ouvrage Paradis sous terre. Et donc, malheureusement, il y a eu une coupure pendant l'entrevue. Alain Deneau en était à nous expliquer là quelles sont toutes les enfin, je vais essayer de rattraper la partie de son entrevue et on poursuivra par la suite. Enfin, allons-y donc. Oups, ça sera pas bien long. Tout simplement le temps là, il y a un petit problème technique là. Tout simplement le temps de régler ce problème là et je vais vous présenter la suite de l'entrevue avec Alain Deneau. Mondiale, un pas de laine, une sorte de pipeline d'argent qui part de Toronto et qui alimente en fait financier tous les projets du monde, qu'ils soient controversés ou non. Alors là, on se trouve dans une situation où une société minière canadienne vient ici, elle peut spéculer aisément, faire valoir le caractère prodigieux de ses mines, de ses acquisitions, de ses concessions, obtenir des fonds parce que les capitaux circulent facilement dans le secteur minier ici, hein, c'est 220 milliards de dollars entre 2007 et 2011 en minier seulement à Toronto. De là, on arrose en argent, en flux financier, les projets miniers dans le monde. La diplomatie canadienne est sur place pour épauler les sociétés minières contre les autorités locales au besoin pour expropier les populations, pour aménager le territoire. Bon, décidément, il y a vraiment un problème technique avec l'entrevue. Enfin, on va donc passer à un endroit un petit peu plus loin dans l'entrevue avec Alain Deneau, parce qu'il nous a parlé aussi d'un autre aspect de son ouvrage Paradis sous terre. Et donc, je vais je vais vous présenter, en espérant que ça va fonctionner, je vais vous présenter donc cette partie de l'entrevue où il nous parlait de la suite. À la suite de son ouvrage, de cet ouvrage Paradis sous terre qui est paru aux éditions Éco-Société. En passant, on sait que les éditions Éco-Société ont été l'objet d'une poursuite abusive et qui a eu un arrangement à l'amiable, mais cela n'empêche pas cet éditeur de poursuivre dans des ouvrages controversés qui dénoncent des situations qui ont besoin d'être dénoncées. Heureusement qu'on a des gens comme Alain Deneau et comme d'autres auteurs qui vont s'efforcer finalement de faire des recherches. Il y a quand même énormément de recherches, hein, de recherches très approfondies pour nous donner tout le contenu qu'il y a dans cet ouvrage. C'est assez remarquable. Alors voilà, on poursuit l'entrevue. Je voudrais qu'on en vienne à la fiscalité parce que le temps file. La question de la fiscalité, il y a comme un parallèle à dresser avec les paradis fiscaux. D'ailleurs, lorsque vous avez procédé quand il y a eu le lancement de votre ouvrage, celui qui vous a présenté a parlé des redevances minières comme étant l'arbre qui cache la forêt. Parlez-nous de cette forêt. Les avantages fiscaux pour les sociétés minières qui s'inscrivent au Canada sont de deux ordres. D'une part, il y a ce qu'on appelle les actions accréditives, hein, qui permettent aux sociétés minières qui ne peuvent pas bénéficier d'abris fiscaux parce qu'elles en sont au stade où elles ne paient pas d'impôts, n'en paient pas parce qu'elles ont fait le plein, disons, des exemptions fiscales qui leur sont allouées. Quand elles en sont à ce stade, elles peuvent faire bénéficier les investisseurs des crédits d'impôt dont elles n'usent pas. Donc, cela incite les investisseurs, comme je l'expliquais un peu plus tôt, à placer leurs actifs spécifiquement dans le domaine minier. Mais il y a un autre problème. C'est que le Canada est poreux par rapport, face, disons, aux paradis fiscaux des Caraïbes. Le Canada est une passoire pour les administrateurs, les gestionnaires, les comptables qui veulent faire passer de l'argent du Canada au paradis fiscaux des Caraïbes et des paradis fiscaux des Caraïbes au Canada. Et c'est un problème qui se généralise à l'ensemble des paradis fiscaux de toute façon. Il y a une sorte de corridor là, entre le Canada et les paradis fiscaux des Caraïbes, de sorte que très souvent, les sociétés minières canadiennes qui signent des contrats avec des États du Sud pour obtenir des concessions le font par le biais de filiales dans les paradis fiscaux. C'est des îles Vierges britanniques, des Bahamas, de la Barbade, du Panama, éventuellement, non, pas vers l'Amérique latine, qui vont signer que les sociétés, leurs filiales vont signer des contrats, de sorte que les pays du Sud ne savent même pas exactement formellement avec qui elles ont signé des contrats au bout du compte. Et cela donne à penser qu'au fond, les sociétés minières canadiennes qui s'enregistrent au Canada ne paient jamais d'impôts parce qu'au fond, elles sont à même d'enregistrer leurs capitaux dans les paradis fiscaux où, évidemment, comme leur nom l'indique, il n'y a pas un fisc digne de ce nom qui vaille. Cela fait que ni les Canadiens, encore moins les populations du Sud, bénéficient au fond, au titre du trésor public, en tout cas de l'exploitation minière qui a cours, ou des travaux d'exploration ou de la spéculation boursière qui a cours en vertu de cette relation nord-sud voulue par le Canada. Voilà, donc c'était la deuxième partie de l'entrevue avec Alain Deneau. Évidemment, nous l'avons remercié à la fin de l'entrevue. Et donc, on va passer maintenant pour la suite de l'émission. On va passer à l'éditorial hebdomadaire de Claude Vaillancourt. Claude Vaillancourt, qui est président d'Attaque Québec et qui, comme chaque semaine, nous a fait parvenir un éditorial. Celui de cette semaine porte sur la fiscalité. Ça tombe bien, c'est en lien avec ce dont on... Un aspect, en tout cas, de Paradis sous terre, qui est, je vous le rappelle, là, qui est édité aux éditions Éco-Société. Je vous invite fortement à lire cet ouvrage. C'est fort intéressant, fort instructif aussi. Alors, donc, nous allons poursuivre avec, comme je le disais, l'éditorial de Claude Vaillancourt. Claude Vaillancourt, président d'ATTAC Québec, dont l'éditorial porte sur justement sur la question de la fiscalité, dont il y a eu des débats toute la semaine, hein, à la suite de l'annonce du Parti québécois. Et voici ce qu'en pense Claude Vaillancourt. On ne peut que se réjouir des politiques fiscales du Parti québécois. D'abord, éliminer l'injuste et régressive taxe sur la santé, puis ajouter deux paliers d'imposition pour les riches, ensuite augmenter la part d'impôt sur les dividendes et les gains de capital. Faire payer un peu plus, quand même pas énormément plus, les citoyens qui peuvent se le permettre, c'est exactement ce que nous avons toujours prôné. Si ces changements sont indubitablement dans la bonne voie, il reste énormément de travail à accomplir pour arriver à une fiscalité équitable et vraiment équilibrée. Parce que nous payons des impôts à deux gouvernements et au fédéral, c'est vraiment pas réjouissant. On a annoncé cette semaine que le Canada a les plus bas taux d'imposition pour les entreprises. Canada, champion de la compétitivité fiscale. Comme si c'était un honneur et un mérite de se faire encore plus détrousser par les entreprises que partout ailleurs dans le monde. Nous l'avions dénoncé à quelques reprises à ATTAC, cet objectif se trouvait dans les divers budgets conservateurs. C'était quelque chose de prévu et d'annoncé, mais qui a suscité très peu de réactions. Maintenant, c'est chose faite. Le but, c'était que les entreprises investissent. Dans la réalité, ce sont des liquidités qui dorment, de l'argent mort, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est bien Mark Carney, gouverneur de la Banque centrale du Canada. Alors, on peut parler d'un échec flagrant de cet objectif, mais les conservateurs sont trop prisonniers de leur raideur idéologique pour le reconnaître. À ça s'ajoute une autre mesure tout aussi inefficace, les fameux CELI, les comptes d'épargne libres d'impôts, le but étant d'encourager l'épargne. Encore une fois, c'est bien reconnu, l'objectif n'a pas été atteint. Il s'agit, une fois de plus, d'un abri fiscal, de plus, celui pour la classe moyenne élevée. Les abris fiscaux se démocratisent, mais les services publics, eux, se détériorent. Et ce n'est pas tout. Sous le prétexte d'un accord sur l'échange de renseignements, ce même gouvernement conservateur a facilité l'évitement fiscal dans les paradis fiscaux des Caraïbes. Difficile d'avoir un bilan aussi accablant. Pendant ce temps, les journaux ont mentionné cette semaine la détresse des fonctionnaires fédéraux, dépression, compétitivité excessive, heures supplémentaires, surtâches et même suicides. S'en prendre à quelque chose d'aussi imparfait peut-être, mais d'aussi nécessaire que la fonction publique pour faire des cadeaux fiscaux a quelque chose d'indécent. Comparons maintenant l'attitude de nos deux gouvernements au Québec et au Canada. Deux attitudes diamétralement opposées. Ajoutez à ça notre attitude quelque peu schizophrénique sur le plan constitutionnel et on arrive à une situation paradoxale où on a l'impression de faire quelques pas en avant et de nombreux pas en arrière. Chose certaine, les pas en avant sont nettement plus difficiles à faire. Notez toutes les critiques, certaines très acerbes, que le PQ a reçues au sujet de ces mesures courageuses dans les médias de droite. Mais peu importe les allégeances, il faut soutenir du mieux que l'on peut. Et malgré ce qu'on peut en dire, toutes les mesures qui visent une fiscalité plus équitable et progressive. Et croyez-moi, elles sont rares aujourd'hui. CKRL 89.1, Québec. L'imagination de l'homme gagne chaque jour du terrain. À l'occasion du 40e anniversaire de la librairie Pantoute, pendant le festival Québec en toutes lettres, le Studio P présente Les enfants d'Asimov. Tout ça est absolument fantastique. Expo-vente de livres sur la science-fiction et le fantasy. C'est fascinant, professeur. Vous êtes collectionneur, vous voulez partager votre passion avec le public? Un espace d'exposition vous attend du 12 au 14 octobre dans l'expo-vente Les enfants d'Asimov au Studio P. Oui, c'est exact. Pour plus d'informations, écrivez-nous à spichet@commerciallibrairiepantoute.com. Pantoute, votre libraire depuis 40 ans. C'est tout à fait remarquable. Du 11 au 21 octobre, vivez la littérature au Festival Québec en toutes lettres qui célèbre cette année Isaac Asimov et la science-fiction. Achetez votre macaron pour participer aux activités. Pour information, québecentoutelettres.com. Une présentation de l'Institut canadien de Québec en collaboration avec la Caisse des jardins du Centre-Ville de Québec, CKRL et la Ville de Québec. L'AMI est à la recherche de nouveaux parrains afin de bâtir un monde meilleur pour les enfants et ainsi leur permettre d'avoir accès à l'éducation et de vivre dans de meilleures conditions. Plus d'une centaine d'enfants attendent d'être parrainés. Faites une différence et devenez parrain du monde. L'éducation est la clé du développement dans les pays du Sud. En unissant nos efforts, ce sont des milliers d'enfants que nous aidons. Pour plus d'informations, rendez-vous au www.amie.ca. Au nom des enfants du monde, merci. Écoute-moi. Écoute-moi. Une émission de Télé-Aide Québec. Service d'écoute téléphonique confidentiel et anonyme. Avec des invités de marque, nous échangerons sur l'écoute des autres et de soi, les émotions, la santé mentale, la solitude, le suicide et autres sujets en lien avec l'écoute et l'humain. Les mercredis, dès 9h. Vous vivez des moments difficiles? Vous n'avez personne à qui parler? Écoute-moi. Écoute-moi. Écoute-moi. Écoute-moi. Artistes, comédiens, auteurs, danseurs, musiciens et créateurs de la relève, vous avez un projet? La mesure Première Ovation vous invite à venir découvrir ses programmes. Que ce soit pour vous aider à réaliser vos œuvres, les diffuser ou à perfectionner votre art, Première Ovation est là pour vous. Visitez le premierovation.com pour tous les détails et faites vite, plusieurs appels de projets se terminent le 1er octobre prochain. Partez à la découverte de l'univers de la bande dessinée, du manga, de l'animation, de l'illustration et du fanzine. La vie en BD, en compagnie de Raymond Poirier et son équipe, tous les vendredis dès 17h30. CKRL, votre porte d'entrée vers le 9e art. Il fera chaud sur les ondes de CKRL à Kekalor. Valérie Blouin vous invite à découvrir la musique antillaise, caribéenne et latino-américaine. Laissez-vous charmer par le zouk, la salsa, le cha-cha, la samba, le merengue, la cumbia et la bachata. Voyagez à Cuba, Porto Rico, Haïti, République dominicaine, Guadeloupe, Trinidad, Mexique, Colombie, Brésil. Kekalor, tous les samedis 14h. Alors, vous êtes sur les ondes de CKRL 89.1 et vous êtes toujours à l'écoute de l'émission Le Grain de Sable d'Attaque Québec. Et je suis en compagnie de Renaud Blais. Bonjour Renaud. Bonjour tout le monde. Bonjour Renaud. Il s'est passé beaucoup de choses au Québec depuis le printemps dernier, n'est-ce pas? Oh là là. Nouvelle saison de chronique donc pour vous. Et vous débutez en nous parlant des conflits créateurs. Ouais, ben je fais une pause sur quelques Indiens d'Amérique, puis c'est compréhensible, ils sont nous sommes en campagne électorale. Oui. Puis le Juron, il y aura une élection le 26 octobre. Ah bon? Fait qu'aujourd'hui, je vais parler d'une bon de mes lectures d'été. C'est bon pour les auditeurs de savoir ça, on en entend moins parler évidemment que les élections provinciales. Ben il y a peu de citoyens électeurs. Voilà. Alors, je vais d'abord vous laisser vous présenter brièvement, puis on va passer au contenu de votre chronique. Bon, ben moi, je me considère comme un militant intermondialiste depuis une douzaine d'années. En 2011, l'an passé, j'ai été reconnu comme Indien à part entière, ça fait que je suis donc un métis et fier de l'être. Puis j'aime bien dire qu'une partie de mes ancêtres ont accueilli les Européens là, qui sont venus en Amérique il y a 400 quelques années. Puis ces ancêtres-là, ils étaient là d'origine asiatique depuis environ 10 000 ans. Alors, n'eût été de ces gens qui ont accueilli les Européens, je ne suis pas sûr qu'ils auraient survécu en Amérique à l'époque de la Nouvelle-France. Oui, en effet, si on connaît le moindrement l'histoire du Québec et du Canada, on peut être d'accord avec vous. Donc, vous nous parlez d'un ouvrage qui s'intitule « Éloge du conflit ». Peut-être nous le présenter dans un premier temps. Bon. Brièvement, Éloge du conflit, c'est une façon de mettre au goût du jour puis de mettre en valeur comment les conflits peuvent engendrer du nouveau si on s'y consacre, puis surtout si on ne nie pas le conflit. puis qu'on s'y consacre, on l'écoute, on écoute les gens, on laisse parler les gens qui sont en conflit, surtout dans les groupes, là, s'il y a des thèses qui s'opposent, l'idée c'est de faire parler les gens pour voir s'il n'y a pas des éléments des deux parties en conflit qui pourraient réconcilier une partie de leur point de vue. Peut-être un mot sur les auteurs. Ben, les auteurs, c'est simplement, c'est des philosophes patentés, comme on dit. Qui ont rappeler leur nom? Miguel Benassayag et Angélique Delré, qui ont publié « Éloge du conflit à la découverte » en format de poche en 2012. La première édition en grand format date de 2007. Alors, je ne vais pas vous faire le compte-rendu du livre, je me limite à extraire quelques éléments de son contenu. C'est bon, les deux auteurs, là, c'est des philosophes, puis Benassayag est aussi psychanalyste. Est-ce qu'ils ont un point de vue idéologique particulier? Ben, je les qualifierais de freudo-marxiste, mais ça, c'est une expression que j'ai entendue une fois à l'université dans des cours dans les années 80. J'ai jamais entendu ça ailleurs, là, mais bon, tout ça pour dire, nos auteurs sont freudiens et marxistes. Par contre, les propos ne sont pas du tout idéologiques, mais plutôt pragmatiques. Plutôt est terre à terre. Bon, d'abord, ils sont freudiens en ceci. Le désir et les passions qui nous traversent ne sont pas le propre des individus. Celui qui vit dans un groupe, qui a son histoire et ses traumatismes, ne peut qu'en être traversé. Les individus sont nécessairement dans un contexte biopsychosocial. D'autre part, les auteurs sont aussi marxistes dans le sens suivant. Ils soutiennent que la démocratie développe un certain formatage de l'être humain, caractérisé par le refoulement des conflits qui le traversent, voire qui le constituent. Puis les auteurs citent allègrement là, Gilles Deleuze et Michel Foucault. Ce livre est une invitation pour les esprits ouverts à dépasser le réflexe que nous avons tous et toutes de nier les conflits pour ne pas les voir. Écoutez autour de vous celles et ceux qui se disent contre la chicane. Je fais une petite parenthèse pour dire, durant la dernière campagne électorale, M. Charest, M. Legault n'ont pas arrêté de dire que Pauline Marois, c'était presque la chicane incarnée. Rappelez-vous. Les conflits, si on ne les nie pas complètement, on les contourne, on les fuit. Les auteurs, j'invite les auditeurs qui sont à l'écoute de prendre le temps de bien s'asseoir parce que c'est du concentré. C'est un petit bouquin de 150-180 pages, mais j'ai ramassé quelques éléments qui sont... Bon, il faut être attentif pour suivre le contenu. Les auteurs nous invitent à nous servir de situations conflictuelles pour créer du neuf, innover. Cette tendance habituelle à refuser, voire nier les conflits existants est complètement battue en brèche par ces auteurs. Dès le début du livre, ceux-ci précisent qu'il faut cesser de s'illusionner à considérer la possibilité d'une vie sans conflit. Pour eux, le point de vue qui sous-entend que le monde idéalisé par un très grand nombre de personnes est celui où il n'existe aucun conflit. Ce point de vue, pour les auteurs, est une hérésie. On ne peut pas avoir comme idéal une société qui n'a pas de conflit. Comment penser que les conflits ne sont que passagers? Les auteurs considèrent que seuls les conflits niés ou non assumés dégénèrent en affrontements comme les guerres. Ils précisent que la méthode sécuritaire, autrement dit mettre l'emphase sur la sécurité plutôt que la réhabilitation, par exemple, à la Harper et Bush, c'est moi qui ajoute, transforme tout conflit en affrontement. Les auteurs sont français. Ils continuent avec le fait qu'un conflit rendu à l'affrontement est souvent dénaturé parce que simplifié à outrance et que ses diverses composantes sont ainsi niées et oubliées une fois rendues au front. On évite alors d'appréhender le conflit dans sa riche complexité, ce qui permet alors aux esprits étroits de considérer le conflit comme une dualité manichéenne de bon contre méchant, de bien contre le mal, ou la santé vis-à-vis de la maladie. L'approche des conflits, selon le vocabulaire des auteurs, de par leur complexité, permet de tirer tous les fruits d'un conflit, plutôt que de résister à s'aventurer dedans. Tandis que l'affrontement simplifie à l'extrême une situation jusqu'à la dénaturer. Fort intéressant tout ceci, Renaud. On va laisser le temps à nos auditeurs de digérer la première partie de votre chronique. On va faire une courte pause musicale. On écoute Cyrano de Montréal dans la pièce « Pour les Habs ». La porte pour que ma famille puisse entrer comme les cimas. Mes rimes sont folles, de Rémi fa sol. Bouteille de Rémi, là y'a une jolle sur le sol. J'sais pas si t'as compris. J'peux être accompagné d'une compagnie qui parle pas créole. Vécu la transition de la vieille à nouvelle école. Avec l'âge d'école, quelques tracks bientôt sera l'album. Ces gars sont si stupides que les frères Dalton. Parle de pimp et n'ont pas de femme. Enfant perdu, demeure humble au microphone. La patience est une vertu. J'fais ce que j'fais, y'a pas d'hasard. J'lâche des bombes atomiques. Tu me vois bien sur ton radar. Genre de deep rock. Je représente pour toutes les blocs. Empilé du code comme des Lego. Nord, sud, est, ouest, peu importe ton réseau. Pour ça tu peux te faire descendre ce qui m'a des défauts. C'est irritant. Part de mes partenaires sont militants. Moi je demeure le diligent. Donc si aux gens. Je trahissien le Cyrano de Montréal. J'abuse du rap tellement c'est illégal. J'suis en fort mental, spirituel et lyrical. Qu'est-ce qui se passe dans la place? J'ai eu la permission du DJ de te blast. Et de manger comme une pistache. Un point en l'air pour le mouvement. Chaque fois je rappe c'est pour l'avancement. Je dis franchement, même si tu me cales, tu quitteras pas sans pansement. Ce que t'en penses, hein? Si je suis un autre pour les abs. Si tu veux être mon style comme un crabe, là j'ai pas le choix de te jab. Si je suis un autre pour les abs. Si tu veux être mon style comme un crabe, là j'ai pas le choix de te jab. Si c'est de la viande servie crue, livrée par le messager de la rue. Le temps n'arrête pour personne, y'a pas de Matrix. Néo, monsieur Anderson, do you understand? Je ne veux pas vendre mon cran. Pour la GS, la télé avec le super écran. J'espère que mon message répand dès maintenant. Je ne veux pas perdre mon temps. Je sais que Dieu m'entend. Je change de milieu avant d'être questionné par les lieutenants. Big up à tous les vrais têtes, vous savez qui vous êtes. Comme mon album Job, ça va sortir la moufette. Je suis ici pour rester. Si tu veux me contacter, c'est via Blast ou FB. Si je suis un autre pour les abs. Si tu veux être mon style comme un crabe, là j'ai pas le choix de jab. Si je suis un autre pour les abs. Alors, c'était le groupe Cyrano de Montréal. C'est un groupe qui fait du hip-hop, qui fait du rap. C'est sur le site hiphopfranco.com. Je vous invite à visiter ce site et à encourager ces artistes de Montréal qui font une musique alternative. On poursuit donc, Renaud, avec l'ouvrage dont vous nous parliez. Qu'est-ce que c'est que l'approche avec les l'approche des conflits? L'approche des conflits, c'est ce que développent les auteurs dans le livre. Autrement dit, c'est de, au lieu de, d'aller vers une fuite ou une négation des conflits, on les accueille, puis on écoute les parties en présence. Ça permet souvent des rapprochements. Alors, l'approche des conflits consiste à bien analyser les parties en présence, la conjoncture, l'historique de la conjoncture et des acteurs qui sont antagoniques, là. Surtout situer chacun des éléments dans l'ensemble, ce que certains auteurs appellent l'approche systémique. Nos auteurs précisent qu'il faut porter notre regard sur les acteurs dans la situation plutôt que les acteurs tentant d'agir sur la situation qui serait extérieure à eux. Alors, le conflit est considéré ici comme étant l'essence de toute vie. Dans la nature, penser qu'un conflit peut être réglé définitivement est un leurre. Il donne l'exemple, très éloquent à mon avis. Imaginez un instant quelqu'un qui voudrait régler définitivement le conflit entre les chevreuils et les loups. Là là, bonne chance! Ben voilà, c'est la nature même de ces deux espèces d'être en conflit. Voyez comme il y a là un non-sens. Le conflit est inscrit dans la nature même de ces deux espèces qui sont naturellement condamnées à vivre dans et avec leurs conflits, à la vie, à la mort. Brièvement, les auteurs expriment le vœu et en font éloquemment la démonstration que les conflits sont d'excellentes occasions d'être créateurs et ainsi produire du nouveau, du neuf, de l'innovation. Dans une situation concrète où deux groupes s'affrontent, il suggère de bien écouter et de s'ouvrir aux arguments des parties, jusqu'à ce que la situation trouve son aboutissement provisoire dans la création de nouveaux. Ce qui souvent ne sera pas ni l'une ni l'autre des voies préconisées par les agents en présence, qui étaient en situation antagonique, rappelez-vous, mais du neuf qui fera cheminer le conflit vers d'autres cieux où les discussions devront reprendre. Je vous cite une citation du livre directement, un peu longue, mais qui résume très bien la pensée des auteurs. L'avantage de l'affrontement, c'est qu'il donne le sentiment de clarifier le conflit. Selon les auteurs, c'est complètement un leurre, de résoudre les conflits comme ça. Mais on l'a vu, ce faux savoir, résoudre les conflits par l'affrontement, occulte le fait que le conflit est une situation complexe dans laquelle aucune des parties en présence ne possède à elle seule la bonne solution. Et c'est pour cette raison même qu'il y a à créer, à devenir. Un conflit est fait d'asymétrie. Ce sont les asymétries qui permettent de créer. Un conflit signifie qu'il n'y a pas de solution définitive. C'est cette absence même qui nous pousse à inventer des solutions locales. Croire que le conflit réside dans l'affrontement, c'est croire qu'en prenant le pouvoir et en éliminant l'ennemi, on va changer les choses, sans comprendre que le problème que l'on cherche ainsi à résoudre englobe la situation dans laquelle nous combattons. En conclusion, l'éloge du conflit, loin de célébrer l'affrontement, affirme pour nous le principe même de toute émergence de nouveau, de toute création, de tout avancement humain. C'est souvent lors d'une expérience douloureuse qu'on découvre la dimension créatrice d'un conflit. Alors, je nous souhaite de très légers conflits pour nous faire la main, fructueuses réflexions et à la prochaine, chers auditeurs. Merci, merci beaucoup Renaud. Alors, j'invite les auditeurs à se procurer cet ouvrage, peut-être répéter le titre. C'est en format de poche, ça vaut 13-14 $ avec les taxes. Oui. Alors, c'est « Éloge du conflit » par Miguel Benassayag et Angélique Delré. C'est publié dans la collection de poche aux éditions La Découverte et c'est paru en 2012 en format de poche. Merci Renaud, à la prochaine et nous allons de notre côté mettre le titre de l'ouvrage et des auteurs sur notre blog et donc peut-être que les auditeurs d'ailleurs peuvent se le procurer dans leur bibliothèque municipale, c'est pas impossible et donc c'est une autre voie, une autre avenue possible pour lire cet ouvrage. Je vous invite aussi à aller sur j'en profite pour signaler que beaucoup d'ouvrages sont disponibles en format électronique de plus en plus dans les bibliothèques municipales, sur les sites des bibliothèques municipales ou bien à la grande bibliothèque, à la Bibliothèque nationale, Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Moi-même, il m'arrive souvent de consulter des ouvrages sur ces sites. C'est fort intéressant et on peut les emprunter pour quelques temps, peut-être 2-3 semaines, 1 mois, je ne me rappelle plus exactement du temps. Mais c'est une belle façon, c'est une alternative qui est de plus en plus intéressante. Je vous rappelle donc que vous êtes toujours au Grain de Sable sur les ondes de CKRL. L'émission qui suit s'intitule Contes de fées et elle est animée par Olivia Vu. Dans les événements à surveiller au cours des prochains jours, je vous en signale un, c'est Cocktail pour contre la hausse, mobilisons le 3%. Il y a une page Facebook si vous allez si vous êtes dans Facebook ou même si vous cherchez Cocktail contre la hausse, donc c'est une page publique, vous allez avoir accès à tout le contenu. Alors, un mois après les élections, le comité de mobilisation de la coalition régionale opposée à la tarification et la privatisation des services publics vous confie à une action théâtrale et ludique dans le cadre de la mobilisation générale contre les politiques néolibérales. Comme tout le monde, nous avons pu constater que, même minoritaire, le gouvernement de Pauline Marois a répondu très rapidement à plusieurs revendications de la coalition, comme l'abolition de la hausse des droits de scolarité, l'abrogation de la loi 78 et l'abolition de la taxe santé. Il s'agit là incontestablement de victoire. Nos adversaires d'hier ne sont pas toutefois disparus comme par magie, comme il fallait s'y attendre les libéraux, les caquistes et leur leurs alliés des médias et du patronat s'opposent aux mesures progressistes mises de l'avant par le gouvernement. Leur opposition se cristallise depuis quelques jours sur la hausse d'impôts rétroactifs qui touche 3% des contribuables les plus fortunés, mesure qui doit compenser pour l'abolition de la taxe santé, une mesure régressive qui touchait également tous les contribuables gagnant plus de 14 000 $ par année. Le comité de mobilisation a choisi d'en rire. Nous vous invitons donc à venir distribuer des carrés d'or. En fait, ils vous invitent à venir distribuer des carrés d'or avec eux pour mobiliser le 3% lors d'un cocktail contre la hausse en Haute-Ville. Intéressant comme activité. C'est une action théâtrale. Nous demandons... En fait, ils demandent à tout le monde de venir déguiser comme si on allait à un cocktail bourgeois chez les riches, c'est-à-dire de mettre nos habits du dimanche. Alors, c'est un rendez-vous le 4 octobre à 15h au 780 rue Sainte-Claire pour une répétition généralisée. L'action a lieu de 16h à 18h ou jusqu'à les, comme ils disent, ou jusqu'à l'épuisement des carrés d'art. Je rappelle aussi en passant que le 4 octobre prochain, c'est la journée mondiale contre le travail indécent, pour le travail décent, pardon. C'est plus positif. Et ça se passe beaucoup à Montréal sur l'heure du midi au parc Émilie-Gamelin. Alors, si vous êtes dans le coin, je vous invite à vous rendre sur les lieux à compter de peut-être de 11h30 parce qu'il va y avoir de la musique. Et à compter de midi, il va y avoir un certain nombre de discours entre autres des chefs syndicaux. Et pour souligner cette journée en fait qui a été instituée par la Confédération syndicale internationale en 2008. La Confédération syndicale internationale, ça semble, ça a l'air de rien dire ça comme ça, mais c'est quand même une organisation qui représente plus de 175 millions de membres, en fait, par l'entremise de leurs diverses organisations respectives, plus de 175 millions dans quelques 153 pays à travers le monde. Alors, en 2008, donc, ils ont instauré la Journée mondiale pour le travail décent, et ça va dans le sens aussi d'un agenda qui a été mis sur pied par l'Organisation internationale du travail en 1999 et qui se poursuit depuis, un agenda pour en venir au travail décent. Mais en 2008, évidemment, la crise financière qui s'est transformée en crise économique a exacerbé, la situation, a créé de plus en plus de travail totalement indécent un peu partout à travers le monde. Alors, les syndicats donc ont décidé, par l'entremise de la Confédération syndicale internationale, de créer cette journée mondiale du travail décent. En fait, c'est le 7 octobre, la journée mondiale, et il y a une activité le 4 octobre, donc à l'avance à Montréal, à amener cette journée mondiale pour amener les gens à réfléchir finalement sur toute cette question du travail décent. Alors voilà, je vous laisse là-dessus. D'abord, je tiens à remercier beaucoup tous ceux qui ont participé à cette émission. Merci à Alain Deneau. Merci aussi à Claude Vaillancourt pour son éditorial. Merci à Renaud Blais pour sa chronique mensuelle. Je vous rappelle que nous avons une page Facebook et un compte Twitter, le grain de sable à commercial, grain de sable QC. Réagissez-y, ça nous fera grandement plaisir. Pour les trouver, il vous suffit de vous rendre sur notre blog, le grain de sable QC.org. ATTAC veut dire Association québécoise pour la transaction financière et pour l'action citoyenne. Si vous avez le goût de réagir à cette émission, vous pouvez le faire aussi par courriel. Vous pouvez nous écrire vos commentaires, vos suggestions, vos opinions à l'adresse legraindesable@hotmail.com ou sur notre blog où vous trouverez un lien pour nous écrire. Il y aura aussi un billet, donc je l'ai dit tantôt, je le répète, il y aura aussi un billet sur la présente émission un peu plus tard dans la journée. Quant à nous, on se retrouve samedi prochain à compter de midi pour une nouvelle édition du Grain de sable. Je vous laisse sur une chanson de Carcass Son qui s'appelle « Prophète de la pensée inique ». À la semaine prochaine. Prophète de la pensée inique, vous n'êtes pas trop bucolique. Prophète de la pensée inique, vous n'êtes pas trop bucolique. Ma tête est farcie des théories économiques, de l'antiquité au néoclassique. Il s'agissait surtout de l'administration, des richesses du foyer en émaux de la maison. Shenakia, Ibn Khaldun, Adam Smith, j'oublie les physiocrates et les mercantilistes. C'était l'époque de la richesse des nations, terre, travail, capital étaient facteurs de production. prophète de la pensée unique. Vous n'êtes pas trop bucolique, prophète de la pensée unique. Vous n'êtes pas trop bucolique, prophète de la pensée unique. Vous n'êtes pas trop bucolique. On rêvait déjà d'une économie idéale, où la main invisible serait la martingale. Le marché vertueux qui pourvoit forcément à tous les besoins du peuple. Ce pointant, l'État doit s'occuper des fonctions régaliennes. Sa place n'est pas dans l'économie qui l'hygiène. Pour Malthus, Ricardo, Mill, les classiques, l'équilibre à long terme est programmatique. Prophète de la pensée unique, vous n'êtes pas trop bucolique. Prophète de la pensée unique, vous n'êtes pas trop bucolique. Prophète de la pensée unique, vous n'êtes pas trop bucolique. La finance débarqua avec son grain de sel. On a eu des subprimes, des Kerviel. Je me surprends de mon attitude lunatique qui s'accommode de la vaste des décisions politiques sur la crise financière qui frappe ces temps-ci. Ceux qui critiquaient l'État, tel le FMI, exigent aujourd'hui qu'il intervienne. Qui croire, Stiglitz, Keynes ou Amartya Sen? Prophète de la pensée unique, vous n'êtes pas trop bucolique. Prophète de la pensée unique, vous n'êtes pas trop bucolique. Prophète de la pensée unique, vous n'êtes pas trop bucolique. Au début de la crise, fallait que l'État finance ça. Aujourd'hui, c'est rigueur que clame Angela. En deux jours, je gobe une chose et son contraire. Du coup, je n'arrête pas de mêler doute et colère. L'effroi de perdre mon job, je suis ankylosé. L'État nous impose des mesures d'austérité. Nouveau populisme, c'est le scepticisme des crédules qui profite à quelques politiques crapules. Prophète de la pensée unique, vous n'êtes pas trop bucolique. Prophète de la pensée unique, vous n'êtes pas trop bucolique. Prophète de la pensée unique, vous n'êtes pas trop bucolique. Moi, j'en ai ras le cul de l'arrogance, de l'arbitraire et des erreurs des maîtres penseurs pseudo-experts. Tous ces madoffs qui se flattent de leur ignorance et tuent la solidarité en créant la méfiance. La démocratie bureaucratique doit cesser. Seule la voix des peuples doit désormais résonner. Notre silence ne vaut pas acceptation. Faut qu'on arrête surtout de nous prendre pour des cons. Prophète de la pensée unique, vous n'êtes pas trop bucolique. Prophète de la pensée unique, vous n'êtes pas trop bucolique. Prophète de la pensée unique, vous n'êtes pas trop bucolique. Prophète de la pensée unique, vous n'êtes pas trop bucolique. Vous n'êtes pas trop bucolique. Mais vous n'êtes pas trop bucolique. Vous n'êtes pas trop bucolique. Il fera chaud sur les ondes de CKRL à Kekalor. Valérie Blouin vous invite à découvrir la musique antillaise, caribéenne et latino-américaine. Laissez-vous charmer par le zouk, la salsa, le cha-cha, la samba, le merengue, la cumbia et la bachata. Voyagez à Cuba, Porto Rico, Haïti, République dominicaine, Guadeloupe, Trinidad, Mexique, Colombie, Brésil. Kekalor, tous les samedis 14h. Téléchargez Contes de fées sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous à son podcast sur iTunes. Contes de fées vous a été présenté par la librairie Pantoute et Studio P. Les Enfants du Paradis, c'est une heure d'interview, de commentaires critiques et de découvertes en compagnie de Robert Boisclair et de son équipe. Pour tout savoir sur l'actualité théâtrale et dansée de Québec, découvrez Les Enfants du Paradis tous les lundis soirs dès 17h30 à CKRL. Et suivez-les sur Twitter. Tout ce qui tombe, trois décennies, quatre histoires d'amour, six destinées qui s'entremêlent. Tout ce qui tombe, un texte de Véronique Côté dans une mise en scène de Frédéric Dubois. Une coproduction du Théâtre du Trident et du Théâtre des Fonds de Tiroir, présentée par Hydro-Québec. Tout ce qui tombe, à l'affiche du Théâtre du Trident jusqu'au 6 octobre, information 641-8131 ou letrident.com.